Chapitre 5e. Honfleur, Festival du cinéma russe, fin novembre. L'ambassadeur Koslov se dirigeait vers Honfleur. Son rapport avançait. Dans la confortable voiture conduite par Igor, son chauffeur attitré, régnait une atmosphère studieuse. Une phrase de Tchekhov résonnait comme un tambour dans la tête du diplomate. « Nous sommes en retard de 200 ans au moins, » dit ce grand auteur. « Nous n'avons strictement rien encore. » Pas de façon définitive de considérer le passé. Nous ne faisons que philosopher, gémir de nostalgie ou boire de la vodka. Ces propos lui étaient revenus en mémoire alors qu'il peaufinait ce qu'il allait dire le soir à la traditionnelle remise des prix du Festival du cinéma russe de cette petite ville bas-normande. Depuis qu'il avait été nommé ambassadeur de la Fédération de Russie à Paris, pas une fois il n'avait manqué ce rendez-vous annuel. Au fil des années, il avait appris à aimer cette jolie bourgade côtière, peut-être justement parce qu'elle était tout l'inverse des mots qui dansaient une farandole entêtante dans son crâne. Honfleur, cité corsaire, port négrier, porte des Amériques, enrichie par les rapines, l'odieux commerce du bois d'ébène et la grande pêche des terres Neva, affichée orgueilleusement autour de son vieux bassin de magnifiques demeures bourgeoises. Pas de café philosophique ici, mais les galeries d'art arborant fièrement l'appartenance à un réseau mondial. Venise, New York, Londres, un peu comme si tous les artistes de la planète attendaient dans cette ville une hypothétique gloire internationale. Nostalgie? Non. Le Normand semblait être immunisé contre ces débordements de l'âme. Les pieds bien plantés dans la terre, plus paysan que marin, l'autochtone a conservé de ses lointaines origines scandinaves le relativisme de ses ancêtres vikings. Cela plaisait à Koslov. Il appréciait que le Normand ne s'adonne pas aux excès de langage et que son absence de faconde ne se transforme pas en mentalité de pisse-froid, hostile à tout débordement. La réserve des Normands, perçue au premier abord comme du rejet, lui plaisait car elle était très proche du tempérament russe. Ici, on n'était pas très accueillant au départ. Ici, il n'y avait pas de paroles en l'air. Tout était réfléchi et on avait pour devise « parle à profit ou tais-toi ». Ce soir, il ne pourrait pas se taire. Il devrait même se montrer éloquent et drôle, d'un humour russe, lucide et froid. Il venait d'apprendre que Nadia Vorobyova, la ministre de la Culture de Russie, viendrait en personne. Elle serait accompagnée de l'ancien député de Birsk. Il venait de terminer son mandat de 4 ans à la tête du Bashkortostan, la République de Bashkirie, où il avait joué un rôle décisif dans l'élimination des islamistes de l'Oural au Caucase. Depuis 4 ans que Koslov sollicitait chaque année la ministre, enfin, elle répondait à son invitation par la voix officielle. Jusque-là, elle s'en était tenue à des messages informels qui, au fil du temps, étaient passés de « cher Alexandre Konstantinovitch Koslov » à « cher Alexandre Konstantinovitch », pour finir par « Sacha, mon ami ». Alors que le véhicule roulait à vive allure, l'ambassadeur se demandait ce qui avait pu pousser Nadia Vorobyova à faire le déplacement à Honfleur. Cette année, le diplomate avait eu un appel direct sur le téléphone rouge de l'ambassade. « Mon très cher ami, lui dit-elle, j'arrive à Honfleur demain soir. Je serai accompagné de Yafar Abdulovitch Rakhamov. Nous atterrirons à Deauville. Je compte sur vous pour venir nous accueillir. » La venue de la ministre, celle que la presse russe appelait irrespectueusement la tsarine de Volgograd, tracassait Koslov. Qu'allait-on attendre de lui? Nadia Vorobyova ne faisait pas le voyage pour rien. Elle était très proche du président Vladimir Popov. Les tabloïds anglais glosaient sur la nature de cette relation. La proximité qui liait Nadia à Vladimir en faisait la missionnaire du maître du Kremlin. Elle apportait avec elle grâce et ou disgrâce. Ayant atteint la 60aine, Koslov était désormais loin des intrigues de la place rouge. Il n'attendait rien, mais était prêt à tout. Igor, le chauffeur qui connaissait bien son patron, tourna doucement le bouton de la radio pour augmenter le volume, afin que la musique de fond qui les accompagnait en sourdine devienne plus audible. Il avait dans les 50 ans et le genre de trait qui s'améliore avec l'âge. Ses cheveux bruns, striés de gris aux tempes et qui se clairsemaient, étaient ramenés en arrière, dégageant un front intelligent. Le nez vigoureux et droit donnait au visage de la distinction. La mâchoire forte et le menton accusé étaient la marque d'un caractère ferme. Il était mince, pas particulièrement grand, et s'il n'était pas beau, il sortait en tout cas de l'ordinaire. Les premières mesures de la valse sentimentale de Tchaïkovski envahirent l'habitacle. L'ambassadeur esquissa un sourire. Son visage s'illumina à nouveau. Tchekhov se trompe, pensa-t-il. Dans ces sociétés en perdition, avoir 2 siècles de retard, c'est souvent en avoir un d'avance. Qu'importait ce pourquoi la ministre venait? La vie était une merveille et l'âme russe, un socle sans égal. Le regard de Koslov se figea. Le paysage identique et uniforme courant le long de l'autoroute le désespérait. « Igor, tu sors à la prochaine bretelle. Nous avons du temps devant nous. Je veux profiter des verts pâturages de Normandie. Nous prendrons donc le chemin des écoliers. Vos désirs sont des ordres, Excellence, » répondit le chauffeur. Il mit le clignotant et s'engagea sur la voie de sortie. Sur le tarmac de l'aéroport de Deauville-Saint-Gatien se posa l'avion officiel d'Aéroflotte, la compagnie nationale russe. La ministre qui en descendit était une apparition. Son pas assuré sur la plateforme de l'escalier métallique aurait pu être immortalisé par Botticelli, tant le halo de brume de cette fraîche journée de novembre lui donnait l'apparence d'une Vénus sortant de l'écume. La bruine, cette pluie fine que l'on appelait ici le crachat normand, ajoutait une touche à l'aspect irréel du spectacle. Nadia Voropiova était suivie de Yafar Akamov, un grand, jovial et rondouillard quinquagénaire, en regard d'acier au sourire malin. Des bottes d'un cuir admirable lui montaient jusqu'aux genoux. Le col de sa vareuse était ouvert sur une cravate bleu ciel, et bleu ciel était le manteau, et bleu ciel le chapeau. Arrivée à hauteur de Koslov, qui l'attendait en bas de la passerelle, la ministre fit les présentations. Les deux hommes se congratulèrent à la russe. L'ambassadeur se tenait à présent face à une femme plantureuse et pimpante, semblant échapper comme par magie aux morsures de la cinquantaine. Ses yeux très bleus, ses longs cheveux roux, son buste moulé dans un pull en jersey mauve, laissaient deviner sous l'encolure d'un long manteau blanc, 2 seins lourds suspendus très haut. Elle était toujours aussi belle. Jusque-là, Koslov n'avait pas eu le temps de l'admirer. Pas plus d'ailleurs que les agents de piste, figés, pétrifiés par cet ange flavescent dont la longue natte ondulait au rythme de ses pas. La ministre de la Culture était venue à son hôte comme une vague vient s'échouer sur la grève. Cérémonieusement, elle lui tendit une main gantée de noir. « Monsieur l'ambassadeur, je vous avais promis de venir une fois à votre festival. Il ne sera pas dit que je n'ai pas tenu parole. » « Voilà une bien curieuse entrée en matière, » pensa Koslov. Il sourit, s'inclina et lâcha en se relevant. « Je suis ravi de vous accueillir ici, madame la ministre. » Elle lui lança un regard qu'il ne sut comment interpréter. « Allons-y, je vous suis, » reprit-elle sur un ton qui signifiait que le temps n'était pas aux palabres mais aux festivités. Arrivée au grenier à sel, espace culturel magnifique où allait se dérouler la cérémonie de remise des prix et le repas protocolaire, Nadia Vorobiova s'éclipsa un instant pour se remaquiller afin de gommer les fatigues du trajet. Elle se composa un visage. Reçue en grande pompe par Michel Lamarre, le russophile maire d'Honfleur et par le président de la région normande, elle distribua quelques aimables sourires et échangea quelques paroles de circonstance avec les autorités officielles. Koslov le savait. Cette femme était un animal à sang-froid, tenant à la fois de l'iguane et du scorpion. Il resta un pas en retrait, lui présenta les uns les autres avec l'air affable qu'on lui connaissait. La cérémonie se déroula à merveille. Nadia Vorobiova, qui durant le court trajet entre l'aéroport et Honfleur s'était fait lire les fiches préparées par l'ambassadeur, avait tout retenu. On voyait bien là les incroyables prédispositions de l'ancienne comédienne, capable de retenir une pièce entière. Après la remise du prix du meilleur acteur et celui du meilleur film, elle prit la parole. « Mesdames et messieurs, j'ai ce soir un prix un peu spécial à remettre. Je suis venu ici à la fois pour vous remercier du rôle important qu'est le vôtre dans la promotion de la culture russe, mais aussi pour remettre, grâce à l'amicale complicité de la présidente du festival, un trophée un peu spécial. Pour son dévouement, je souhaite que nous rendions collectivement hommage à son Excellence Alexandre Konstantinovitch Koslov, qui a sans cesse œuvré pour permettre à la fine fleur du cinéma russe de venir rencontrer ici le public français. À lui, qui a toujours plaidé pour que, de Moscou, nous ayons toujours un œil tourné vers Honfleur. À lui, qui aura été l'ambassadeur de notre pays en France ces dernières années, à lui dont les fonctions cessent ce soir et qui, dès demain matin, regagnera la Russie à mes côtés. » Face à cette décision qu'il avait pressentie, l'ambassadeur en cherchait les raisons. À n'en pas douter, elles étaient sérieuses, pour que le président Popov agisse de la sorte. Il se demanda ce que lui réservait l'avenir. Voilà, c'était fait. La ministre de la Culture venait de mettre fin à ses fonctions. Je vous demande à toutes et à tous, chers amis, d'applaudir notre représentant Alexandre Kosloff. L'ambassadeur monta grand-peine les marches qui séparaient le premier rang du podium. La présidente du tribunal, surprise par l'annonce, improvisa en hâte un discours d'adieu. Elle remit solennellement au diplomate le parchemin entouré d'un ruban rouge et or qui était initialement prévu. Elle l'accompagna d'une petite bouteille de Calvados récupérée au dernier moment. Elle le congratula, il l'embrassa. Elle tendit la main vers le pupitre pour lui indiquer qu'il pouvait dire un mot. Le ministre de la Culture fit un pas de côté pour lui laisser le passage. Les flashs crépitaient. « Voilà, on y est, » se dit-il. De sa main gauche, il agita, comme on le ferait d'une clochette, le parchemin. Il salua la salle, lança un petit sourire aux organisateurs, gratifia les photographes d'un clin d'œil diplomatique et lâcha dans un souffle « Merci ». Après quelques mots convenus, il eut envie de fredonner un air connu du folklore français dans lequel il était question de cerises. Il se souvenait parfaitement de la mélodie. Les paroles lui revenaient à mesure qu'il chantonnait. Miracle de la mémoire. Quelle agréable sensation de se sentir porté par un flot venu du rang large de son existence, telle la petite Madeleine de Proust. Quand nous chanterons le temps des cerises, et Guerre-Rossignol et Merle Moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. J'aimerai toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et Dame Fortune, en m'étant offerte, ne saurait jamais calmer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. La cérémonie de remise des prix du Festival du cinéma russe se termina. Alexandre Kosloff se dirigea vers la table d'honneur. Il rejoignit Yafar Akhamov, qu'il n'avait pas revu depuis qu'il avait éliminé un terroriste musulman prônant l'extension du djihad dans l'Oural. « Enfin seul !» lança Kosloff à Akhamov. « Que deviens-tu, Jafar ?»« Mon mandat de député vient de prendre fin, mais mon intention de pourchasser Omar Tarkhanov, le porte-parole du califat islamique pour la Russie, reste entière. Je traque pour l'exterminer ce fils de chienne qui osait menacer le Bashkortostan et salir le nom du président Vladimir Popov. » Voyant Kosloff sidéré devant la détermination qu'il affichait, il demanda « Et toi, qu'envisages-tu à présent que tu es mis à l'écart ?»« C'est une très bonne nouvelle, car je vais pouvoir affiner ma réflexion sur la Russie de demain et rédiger le compte-rendu que je dois transmettre dans un mois au président. Sans cette opportunité, j'aurais dû abandonner mon projet. Écoute, Alexandre, tous mes voeux t'accompagnent. Si tu as besoin d'un coup de main, tu peux compter sur moi. Pour l'heure, passons à table. » Le menu nargua Kosloff. Carottes vichy, tourne de Rossini. Une tarte aux cerises clôturait le repas après le trou normand. Il sourit. Pour lui, les carottes étaient cuites. Il restait à découvrir quelles cerises le président Popov avait prévu de mettre sur son gâteau de départ. Tandis que les deux amis ressassaient leurs souvenirs en mangeant, la ministre de la Culture envoyait un message au président Popov pour lui dire que sa volonté était satisfaite. Elle avait trouvé le moyen de permettre à Kosloff d'aller au bout de son rapport.